Chapitre 10e. Il n'était bruit à ce moment-là dans Paris que d'un grand mal masqué qui devait être donné par M. Blum, le richissime ami des Le Couturier, pour inaugurer un hôtel qu'il venait de faire construire après une série d'opérations particulièrement géniales sur les guanos. De petits jeunes gens bien informés se faisaient un succès depuis 3 semaines, rien qu'à colporter de salon en salon des indiscrétions sur les futures splendeurs de cette fête. On parlait de surprise d'un goût charmant, 5 ou 6 personnes qui gravitaient à la bourse dans l'orbite du puissant spéculateur, avaient résolu de se déguiser en goélands, pingouins, manchots et autres oiseaux du Pacifique. Délicate allusion aux artisans modestes et inconscients de cette opulence. On faisait des bassesses pour être invités. La haute banque était en délire. Le faubourg Saint-Germain commençait à s'agiter. Le comte de Simeuil, dont les ancêtres avaient rempli d'importantes missions diplomatiques sous Louis XV, prouvait que l'hérédité n'est pas un vain mot, en négociant avec beaucoup d'habileté une très grosse affaire, la présence à ce bal d'un certain nombre de nobles dames fort titrées, qui se faisaient encore un peu tirer l'oreille, mais qui, nul n'en doutait, finiraient par mettre leur quartier dans leur poche et paraîtraient à la fête. L'opinion commune était que le succès de son entremise rapporterait à Simeuil au moins 1000 louis, Blum ayant la réputation de ne point lésiner en pareil cas sur les courtages. « J'ai reçu l'invitation de M. Blum, » dit un jour Raymond à sa femme. « C'est pour le 15. Viendrez-vous ? » ?»« Non. » »« Décidément. » »« Décidément. » »« Ce sera curieux pourtant. » »« Vous n'êtes pas encore dans un état qui vous condamne à ne jamais mettre le pied hors de chez vous. Cela vous amuserait. Pourquoi ne m'accompagneriez-vous pas ? Vous irez donc ? Sans doute. N'est-ce pas vous qui avez tenu à me présenter à ces gens ? D'ailleurs, je vous le répète, cela sera très curieux. Quand on fait du roman, il faut voir ces choses-là. Vous me le disiez vous-même l'an dernier. Croyez bien que je ne vous retiens pas. Comment vous mettrez-vous? Je ne sais pas trop encore. En toréador, peut-être? Qu'en dites-vous? Ah oui, parce que Madame de Sizrac vous a dit à Biarritz que vous aviez l'air espagnol. Mettez-vous en toréador, si vous voulez. Comme c'est loin, ce temps de Biarritz, n'est-ce pas? Dans 3 mois, il y aura 2 ans que nous y étions. C'est peu. Que chose pourtant depuis lors. Le soir du bal, Raymond, après avoir revêtu son costume, entra dans le cabinet de travail pour dire adieu à sa femme. « Comment? Votre mère est déjà partie ?» Madame Le Couturier était en effet venue dîner avec eux et avait annoncé l'intention de passer la soirée auprès de sa fille. Mais elle s'était retirée avant 10 heures, sous un prétexte quelconque, en réalité parce qu'un long tête-à-tête avec Claire lui semblait chose fort peu divertissante, tant la conversation de la jeune femme se ressentait du changement de son humeur, de ses goûts et de l'orientation nouvelle de ses pensées, presque toujours tournée maintenant vers des sujets dont le sérieux alarmait l'incurable frivolité de sa mère. « Si j'avais su, je ne serais allé m'habiller qu'après que vous auriez été couché, » reprit Raymond. « Je ne me doutais pas que vous dussiez rester seul. » « Je commence à m'y habituer, mon ami. Et puis, je ne suis pas seule. Allez. » En disant ces mots, elle coiffait son poing d'un mignon bonnet au tricot qu'elle venait de finir et le contemplait avec amour, comme si elle entrevue déjà la chère petite tête qui, dans quelques mois, allait le remplir. « Voulez-vous que je reste ?» demanda doucement Raymond, ému. Elle le regarda bien en face pour voir s'il était sincère. S'il avait été sûr qu'il le fût, avec quelle joie, avec quel transport de reconnaissance, elle lui dit « Oh oui, restez. Je souffre tant lorsque vous n'êtes pas auprès de moi et que d'autres femmes sont auprès de vous. Restez. Vous travaillerez là. Je ne vous parlerai pas. Ma pensée seule causera avec vous. Je vous demande seulement de tourner quelquefois les yeux vers moi, sans rien me dire, et je serai heureuse. Et quand vous aurez assez travaillé, nous irons dormir, et nous continuerons de penser en rêve, vous à votre livre, moi à mon enfant. » Voilà les paroles qui de son cœur eussent monté à ses lèvres, s'il n'avait été, la malheureuse, en proie à un funeste et irrésistible instinct de défiance. Il en fut ce soir-là, comme le soir où elle avait quitté le bal, sentant bouillonner la vie aux sources profondes de la maternité. Une parole d'elle eût suffi pour que ce mari, qu'il aimait toujours, mais d'un amour inquiet et douloureux, tomba à ses pieds, pour que tout fût réparé, oublié, et qu'ils connussent enfin, au lieu des tourments qu'ils s'infligeraient l'un à l'autre, les félicités d'une tendresse égale et sereine. Mais cette parole ne fut pas prononcée, et de nouveau ces deux âmes, qui aspiraient à se joindre et à se ressaisir, faute d'un dernier effort, d'une seconde d'abandon, faute d'un mot, se trouvèrent séparés violemment. « Vous êtes vraiment très bien dans ce costume. Je ne voudrais pas vous priver des compliments de vos admiratrices ordinaires. » À peine, elle avait cédé à l'impulsion mauvaise qui sans cesse la poussait à proférer de dures paroles, alors qu'elle en avait de si tendres plein le cœur, Claire se repentit. Mais il n'était plus temps. « Excusez, dit Raymond, la présomption que j'ai eue de croire que ma présence pouvait vous être agréable. » Il sortit du cabinet, en proie à une violente irritation. Deux minutes plus tard, le grondement sourd de la voiture roulant sous la voûte emplit la maison. Claire tendait l'oreille. Elle espérait qu'il aurait compris le tumulte de sentiments contradictoires qui s'agitaient en elle, qu'il allait revenir. Comme elle se confesserait à lui, comme elle lui demanderait secours contre elle-même, contre la perpétuelle inquiétude de son esprit malade, contre ce maudit instinct qui lui faisait dire ou faire des choses dont elle se repentait aussitôt. Le bruit sec des roues retombant sur le pavé de la rue retentit par deux fois. Alors la jeune femme renversa sur le dossier du fauteuil sa tête pâle, ferma les yeux, et serrant dans ses mains jointes le petit bonnet destiné à son enfant, sentit que sa pauvre âme sombrait en un abîme de tristesse. Quand Raymond arriva chez M. Blum, la fête était déjà commencée. Il entra dans un premier salon et se trouva au milieu d'une cohue bigarrée d'hommes et de femmes en costumes de toutes les époques et de toutes les latitudes. Sous la lumière crue de 1000 petites lampes électriques, cette foule riait, criait, s'agitait, en un désordre et avec une liberté d'allure qui ne laissait pas d'être assez pittoresque, mais qui n'impliquait point que l'on se crût, en ce lieu, obligé de veiller avec plus de soin sur son langage ou sur sa tenue, qu'on aurait fait dans quelque bal public. Des hommes étaient déjà installés au buffet, quoiqu'il ne fût pas encore minuit, mangeant et buvant sous l'œil grave des maîtres d'hôtel, avec une immonde goinfrerie. D'autres, qui avaient fini, pour le moment du moins, allaient au fumoir et là, effondrés sur des sièges bas, prenaient des poses d'animaux gavés en fumant de gros cigares dont ils avaient mis, par distraction, quelques-uns dans leurs poches. Ils parlaient entre deux bouffées de leur hôte, des spéculations qui avaient édifié son immense fortune, sur un tel ton qu'il eût été difficile de savoir ce qu'il emportait en eux. De l'envie, de l'admiration ou du mépris. Peut-être les trois sentiments se trouvaient-ils représentés à proportions égales dans cette édifiante causerie. À en juger sur l'effroyable consommation de cigares et de liqueurs, sur le peu de soin qu'il prenait de ne point salir les meubles et les tapis, on eût dit qu'il s'était mis d'accord, sans se le dire, pour faire payer aussi cher que possible cette insolente opulence à l'homme hardi et heureux qui les avait conviés à en partager ce soir-là le bienfait avec lui. Par moments, on voyait apparaître dans l'embrasure d'une porte la tête de M. Blum. Il allait et venait, rayonnant, un sourire de triomphe aux lèvres, content de voir que ses salons étaient pleins, que les hommes les plus célèbres, les femmes les plus fières, avaient subi l'irrésistible attraction de ces millions, qu'on faisait honneur à son champagne, à ses truffes, à ses havanes, qu'on riait, qu'on s'amusait, que l'on pâturait bien, rendant à tout ce monde mépris pour mépris, saluant du bout des doigts son agent de recrutement, Simeuil savourant ce parvenu l'exquise vengeance de jeter son hospitalité fastueuse comme un soufflet à la face de ses gens, jouissant d'abaisser toutes les supériorités qu'il n'avait pas, le nom, les titres, le talent, devant la lourde supériorité de l'énorme tador sur lequel il trônait. Raymond se promenait de salon en salon et observait curieusement le mélange de magnificence et de vulgarité qui semblait être la caractéristique de cette fête. Il remarqua que beaucoup de gens s'étaient affublés en bêtes. Il lui parut qu'une certaine bassesse de l'instinct public se révélait dans le choix de ses accoutrements, auxquels il eût été si facile de préférer ceux dont la beauté rehausse la noblesse de la forme humaine. Dans une pintade qui passait, il reconnut une dame portant un nom illustre. Elle était entourée de 3 ou 4 petits jeunes gens habillés en serins. Leur conversation donnait à penser que le costume loyalement choisi par eux constituait une profession de foi plutôt qu'un déguisement. Comme ils regardaient, appuyé contre une porte, un domino rose le toucha du bout de son éventail et lui dit bonjour sur un ton de fausset destiné à déguiser sa voix. Raymond se retourna, surpris, et vit devant lui une femme qui semblait grande et forte, sans qu'il fût possible de discerner autre chose, ne fût-ce que de savoir si elle était jeune ou vieille, laide ou jolie. Sous les plis très amples du vêtement de soie dont elle était enveloppée de la tête aux pieds. « Eh bien, beau torero, reprit la voix, tu viens donc dans les mauvais lieux ?»« C'est dans l'espoir de t'y rencontrer, mon ange, » répliqua le jeune homme d'assez bonne grâce. « Tiens, tu fais des progrès. Il y a un an, tu n'aurais pas été capable de trouver ça. Vous me connaissez donc ?»« Trop curieux, mon garçon. Cela ne te regarde pas. » « Et ta femme, qu'est-ce que tu en fais ?»« Trop curieux, beau domino. Occupez-vous de vos affaires. »« De mieux en mieux. Te voilà tout à fait déniaisé. » L'entretien continua sur ce ton de badinage léger. Un peu déconcerté d'abord par la façon désinvolte et hautaine dont cette femme maniait le persiflage. Ayant d'ailleurs dans cette joute une infériorité notable, puisqu'il était connu de son adversaire et ne le connaissait pas, Raymond fit tête, néanmoins, avec assez de présence d'esprit. Il s'était animé peu à peu et renvoyait, non sans adresse, les épigrammes plus malicieuses que méchantes qu'on lui lançait. Après quelques minutes, le jeu lui plaisait si fort que lorsqu'il fut fini, sa première pensée fut de suivre l'inconnu et de chercher à savoir qui elle était, mais elle avait disparu dans la foule. Sans en avoir conscience, il éprouvait pour elle cette gratitude particulière qu'on a pour les gens qui nous ont fourni l'occasion de leur prouver et de se prouver en même temps à soi-même qu'on est homme d'esprit. Il lui savait gré aussi de menus compliments qu'il avait reçus d'elle, agréablement enchâssés dans des railleries sans malveillance qui ajoutaient à leur prix. Tandis que sa voiture le ramenait, sa pensée ne pouvait se détacher de cette femme dont il n'avait vu que les yeux bruns, pailletés de petites taches d'un jaune clair, qui ressemblait à de la poudre d'or. Où m'a-t-elle connu? Comment a-t-elle su ce qu'elle m'a dit sur moi? Telles étaient les questions qu'il se posait à lui-même, et le dépit qu'il sentait de ne pouvoir y répondre attestait la vivacité de l'intérêt que venait de lui inspirer soudain cette petite aventure. Il trouva Claire lisant dans son lit. « Comment ? » dit-il. « Vous ne dormez pas encore, à 2 heures du matin ?» J'ai essayé, je n'ai pas pu. Était-ce beau ? Oui, un peu débraillé aussi. Je suis fort satisfait en somme que vous n'y soyez pas venu. Vous êtes-vous bien amusé ? C'était assez drôle à regarder. Madame de Sizrac devait en être, l'avez-vous rencontrée ? Ce nom prononcé par la jeune femme traversa comme un trait de lumière l'esprit de son mari. Raymond se demanda aussitôt si ce n'était point la marquise qui l'avait intrigué en déguisant sa voix. Eh bien ? Reprit Claire, qu'est-ce que vous avez à rester là sans rien dire? Est-ce à elle que vous songez? Moi, pouvez-vous croire, je suis à 100 lieues de là. Il mentait déjà. Claire sentit vaguement que son mari lui cachait quelque chose et ne demanda plus rien. Elle observa le lendemain et les jours suivants qu'il était distrait. En effet, l'incident du bal ne sortait plus de sa pensée, et l'envie de savoir si c'était bien la marquise qu'il avait rencontrée prenait insensiblement une tournure d'obsession. Il finit par se persuader que le meilleur moyen d'en finir avec cette préoccupation était d'aller tout simplement faire une visite à Madame de Sizrac. Il saurait ainsi à quoi s'en tenir sur l'identité du domino rose, et sa curiosité satisfaite ne songerait plus à elle. N'était-il pas d'ailleurs tenu de faire hommage de son livre à qui les avait, Claire et lui, si gracieusement accueillis à Biarritz? Il se rappelait ce dîner à la Villa Hortense, cette soirée, ces paroles flatteuses qui lui avaient été prodiguées, ces vers qu'il avait dû lire, ce premier succès d'écrivain, dont d'autres succès plus vifs n'avaient point effacé le souvenir dans sa mémoire reconnaissante, tout jusqu'à cette robe blanche ornée de nœuds d'un rouge vif qui moulait ce soir-là les formes sculpturales de la belle marquise. Les raisons d'aller la voir lui semblaient, à mesure qu'il y pensait, plus nombreuse, sans qu'il s'avisât que toutes ces raisons n'existaient même pas à ses yeux 8 jours auparavant et qu'une seule, au fond, était la bonne, la vraie, savoir le désir inavoué de marivauder encore avec cette aimable femme. Il se présenta donc chez elle un samedi et s'excusa, tant bien que mal, sur son travail, de n'être pas venu encore. Justement, les personnes qui se trouvaient là parlaient du bal de M. Blum. Raymond en profita pour raconter qu'il y était allé et qu'il avait été intrigué avec infiniment d'esprit par une femme en domino rose. « Avez-vous pu savoir qui c'était ?» demanda Madame de Sizrac avec une parfaite assurance. « Non, elle déguisait sa voix et cachait avec soin son visage. « Ce qu'elle était laide et vieille, voyez-vous. Mauvaise affaire, cher monsieur, ne cherchez pas. Elle vous aura sans doute montré ce qu'il y avait de mieux en elle. » À ce moment, la marquise jouait avec un éventail, dont Raymond se souvint tout à coup d'avoir remarqué la monture d'or ciselé entre les mains du domino. « Ce qu'il y avait de mieux en elle ?» reprit-il en la regardant bien en face. « Je ne crois pas, madame. » Se voyant reconnue, elle se mit à sourire. Après quoi, elle prit son face à main et examina avec une complaisance marquée son interlocuteur. C'était son péché mignon d'aimer que les hommes la regardassent avec hardiesse. Même, il ne lui déplaisait point de voir passer dans leurs yeux ces flammes courtes et rapides qui indiquent une nature généreuse. En sortant du salon de la marquise, Raymond se demanda s'il parlerait à sa femme de cette visite. Pourquoi s'en cacher? Quel mal avait-il fait en allant porter son livre à Madame de Sizrac? La chose n'était-elle point parfaitement naturelle? Oui, mais alors à quoi bon la dire? Qui sait si Claire, dans les dispositions où il l'avait vue autrefois à l'égard de la marquise, dans l'état d'agitation, d'inquiétude sans cause où il la voyait maintenant, n'irait pas concevoir d'absurdes soupçons au sujet de cette innocente relation qu'il venait de renouer? Mieux valait se taire et attendre. C'est ce qu'il fit. Et telle est l'ingéniosité qu'on met parfois à se duper soi-même. Raymond en vint à se persuader que s'il agissait de la sorte, ce n'était point pour s'assurer la faculté d'aller aussi souvent qu'il le plairait chez Madame de Sizrac, mais bien dans l'intérêt du repos de sa femme, sophisme adroit et commode, qui devait lui permettre de cultiver sournoisement cette amitié nouvelle, tout en continuant à croire que sa conduite restait irréprochable. C'est chose infiniment triste que de suivre le travail de menues hypocrisies, de capitulations déguisées et de petites lâchetés qui s'opèrent dans une conscience, même plus honnête et plus droite que ne sont celles de la majeure partie des hommes, quand elle a eu la faiblesse de commencer à ruser avec le devoir. En ce mois de mars, qui était le cinquième de la grossesse de Claire, Raymond retourna plusieurs fois chez Madame de Sizrac. Il ne cherchait pas à se rendre un compte très exact des causes de l'agrément qu'il trouvait à la voir, et s'abandonnait à la sympathie qu'elle lui inspirait, sans se soucier de déterminer au juste la qualité de ce sentiment, averti peut-être par un secret instinct, que le meilleur moyen de n'y rien trouver de coupable était de ne le point analyser. Le ton ordinaire de leur causerie était celui d'un élégant et spirituel badinage, avec une pointe tantôt de coquetterie, tantôt d'ironie légère, que la marquise y insinuait de temps à autre, discrètement, comme on donne de l'éperon à un cheval de race, non de manière à lui faire prendre le mort aux dents, mais assez pour l'émoustiller un peu. Ils faisaient beaucoup de frais l'un pour l'autre, s'intriguaient à l'envi, comme le soir du bal masqué, elle, provocante et moqueuse, corrigeant par un sarcasme l'effet d'un coup d'œil ou d'un sourire trop engageant qu'elle n'avait pu se retenir d'adresser à ce beau garçon, lui, ripostant un coup de madrigaux, d'un air moitié railleur, moitié convaincu, plaisant chaque jour davantage, parce qu'il ne semblait point se préoccuper de plaire, et parce que la réserve où il se retranchait ne parvenait point à cacher aux yeux expérimentés de cette femme une de ces âmes ardentes qu'elle avait toujours honorée d'une particulière estime. C'était pour Raymond des jours très doux que ceux où il allait prendre chez elle, à 5 heures, une tasse de thé. Bien qu'il fût aussi peu que possible entiché de noblesse, cette intimité où il avait été si rapidement admis, ses prévenances adroites, ses délicates flatteries de grande dame, ne laissaient pas de lui inspirer une certaine satisfaction d'amour-propre. Il oubliait là les menus soucis ou les tristesses de sa vie, l'humeur de Claire, plus sombre de jour en jour, les mélancoliques rêveries dont elle lui infligeait le spectacle comme un reproche, ses longs accès de mutisme, ses soupirs de femme délaissée, chaque fois qu'il sortait. et quand il rentrait à la maison, ses interrogatoires sans fin de femme jalouse. Dans ce boudoir où il avait maintenant sa place à lui, une causeuse où elle le faisait asseoir face au jour, tandis qu'elle-même tournait le dos à la lumière, comme elles font toutes après 40 ans. Près de cette amie instruite, intelligente, spirituelle, sachant ou devinant tout, possédant d'ailleurs, mieux qu'âme qui vive, l'art d'accommoder d'une façon fort appétissante les restes de sa beauté, toujours jeune de cœur, ça se voyait, mais si simple, si bonne, si indulgente à autrui, qu'on pouvait presque faire honneur de ses faiblesses à sa charité. Raymond sentait comme une détente de tout son être, qui se contractait douloureusement. Au contraire, dès que la vie conjugale, avec les 1000 petits froissements journaliers qu'elle comportait maintenant pour lui comme pour Claire, l'avait repris au sortir de cette paisible atmosphère. Et les jours s'écoulaient. Le printemps était revenu. Les corneilles du parc Monceau recommençaient à croasser, à l'approche de la nuit, en tournoyant au-dessus de leur nid dans le ciel ensanglanté par les reflets de l'immense incendie du couchant. Mais Raymond n'allait plus rêver auprès de la pièce d'eau, ni s'attendrir à la vue des belles jeunes filles à l'air doux et modeste, dont il aurait pu être le mari, des petits enfants aux cheveux bouclés dont il aurait pu être le père. Il était devenu ce que Claire, 18 mois auparavant, souhaitait imprudemment qu'il fût, un mari parisien, comme elle disait, en attachant ce mot, vide de sens, je ne sais quelle idée de distinction, de suprême élégance. Un mari parisien, c'est-à-dire un monsieur qui laissait sa femme enceinte se morfondre à la maison et tricoter, jusqu'à usure de ses doigts, de petits bonnets, de minuscules brassières, dont la laine était souvent trempée de larmes, tandis qu'il s'en allait, lui, rire, entendre et conter de plaisantes histoires chez une marquise aimant, quoique mûre, les jolis garçons encore jeunes. Et c'est pour cela que Claire allait parfois se promener, seule, au parc Monceau, comme Raymond lui-même faisait autrefois, et s'y plongeait en de longues méditations, dont le résultat fut, certains soirs de mai, que la pauvre femme se sentit à son tour affreusement malheureuse.